Alors, Bandico, Nagane Sibouyogi de Sosouvoie, vous serez renseigné, mais ça c'est Kersen. Et je vous signale, ça c'est Radio Trottoir International, Mass Media, 2044 Mega Est. Wane zari bongo mbuta di kasu le pedeze matongi azaku pese na bino ndenge idorozie zari. Bandiko, mingi ba yebaka ngateme na komi presentile lopobu yebaka. Nenge na zadi yao, je suis l'homme le plus recherché par les moustiques depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Na zape makasi po na sala karate. Nenge na zadi yao, je suis sentir kaze 12e bouteille na bunda na ndoto. Nga ba tuloko la ba edingwe, ba Mark Tyson, ba Komanda Eko, ba Commander Foster na banga kabangote ngara banga kabangote misuga megi kupusa na kaka nga ukumona mbangu na kubanda wa tina maluku mina kukima pona yebike na kubokse na ngabango ini tiri na terima na kuleksa leri na ngaya pamba ndenge pena zadi yao je suis marié père de 25 enfants et demi 25 enfants et demi po mokwa za kikata terima kate boiza pinisho ya nzambe probleme zate menzamba kuzara na ye bandiku. Avant tuna yawa na legagi na laboratoire. Bino moko buyebi, me laboratoire wana na bomba kiyangu na masina. Po masina za karche moko tremesa. Soko sakani bako riskepe batumbio. Doki kuna zete. Yangu na bomba kiyangu kuna. Po ba mindere ba suivre penda sema na ngate. Nasaragi laboratoire wana iniki mapo na ba mindele. Po tomona ba mindele ba sara ba produit de beauté. Po biso tutela katu koma kaloko na bango. Buyebi kaka ba produit yu ba sara ibele bele na kutanga kutu ba kombote. Yango nga tere mana muna kike bon. Ba mindele pe bon. Bazana bango pe magnifique te. Donge komi pe. Po zame tuyoko o mundela sali kuanga na boate. Ubien zame tuyoka o bako moteka matembele na alimentation. Donge pona kulagisa ke biso pe erimungo tulegi na biso. Yango na nasari di bango ba produit de beauté. Po bango pe ba yinda. Ba koma loko na biso. Ba produit yangu za design pratique za lokola ba yombo top ba makala de yar ba goudron natasin ba couscous prozoniser ba yombo yombo makala nchop donc wana pena soko pakulia ngonga 3 jours en tout cas donc mwindo yo Michael Jackson akokoma nango eza lokola 24h30 donc bomoni kaka marka laboratoire bongo toza mingi tena kini donc ezaragi system ifare na transfere ba produit de beauté wana nyos na Europe pona banda deza ko inonde mina za kuzela reposa kini service ya wana tangu na longwa kina laboratoire toke kutika blaze bula na aeroport po akene na ye poto po ye lukura makamu nenyo se koma kona mwasi na ye pa bote na kona buyebi ye kaka na kutanga kombo tipo na zaruzi tukendaki kutika ye na aeroport buyebi kaka zenyeri. Kutu na papa wemba pepo na disque d'or, po disque d'or wana normalme fareto koperango na koweti misimba.